Activité 1B. 1. Pour la gastronomie, choisissez le poisson si vous allez dans ce restaurant. 2. Les climatiseurs de ce musée sont assez forts. On peut le visiter en toute saison. 3. Dans cette exposition, les paysages ont des couleurs très contrastées. 4. Quand la journée est ensoleillée, le chant des oiseaux commence tôt. 5. Les courses en motoneige donnent une sensation de liberté.